Difficile de caser une lecture dans votre emploi du temps? Avec le livre audio, c'est possible. Pendant votre trajet quotidien ou avant de vous endormir, plongez dans un livre audio avec Audible. Audible, c'est une appli qui permet d'écouter des livres audio et aussi des podcasts sur votre smartphone. Des coachings audio aux fictions sonores, explorez notre catalogue. N'attendez plus, téléchargez l'appli Audible et vibrez au son des livres. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 9 mars 1911. Exactement, jour de la capitulation pour la France. Hein. Pas une capitulation militaire, non, capitulation scientifique, puisque ce jour-là, et j'ai le regret de vous l'annoncer Raphaël, la France, en adoptant le méridien de Greenwich, abandonne le méridien de Paris, c'est-à-dire la référence horaire qu'elle entendait imposer au monde entier à l'époque. Mais pourquoi donc la France a-t-elle cédé? Parce qu'elle n'a pas eu le choix. De longues négociations ont été menées avec le reste du monde depuis la conférence internationale de Washington en 1884. Cette réunion de 25 pays avait pour but de mettre tout le monde d'accord en matière de calcul horaire. Alors ça passait par un découpage du globe en 24 fuseaux de 15 degrés chacun et par le choix d'un méridien zéro. Évidemment, c'est là que les choses se compliquent. Ce ne sont donc pas les scientifiques qui ont choisi. Disons que là, les scientifiques se sont effacés devant les diplomates. Il y avait trois méridiens possibles. Celui de l'île de Fer aux Canaries, celui de l'Observatoire de Paris, donc défendu par la France, et puis celui de Greenwich en Angleterre, d'où un bras de fer des habituels frères ennemis, France et Grande-Bretagne, comme d'habitude, les deux puissances dominantes de l'époque. Et finalement, ce sont les Britanniques qui l'emportent. Et en contrepartie, ils promettent d'adopter le système métrique. On aimerait voir ce qu'il en est plus d'un siècle plus tard, mais enfin, c'est un autre sujet ça. Mais dites-moi, est-ce que vous nous parlez de 1884 ou de 1911? Alors voilà, c'est toute la question. La conférence a bien eu lieu en 1884, mais l'adoption seulement le 9 mars, donc 1911. Autant dire que la France a vraiment traîné des pieds, freiné des quatre fers. Le méridien de Paris n'a pas été retenu comme méridien zéro, mais il a laissé des traces dans plusieurs communes de France. À Paris, il est matérialisé par 135 médaillons fixés au sol, portant tous le nom d'Arago, qu'il avait calculé. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Oui, et nous évoquerons à l'occasion des 40 ans de sa disparition, notre Clo-Clo d'Europe 1, Claude François.